Tu t'entêtes, tu agis comme une enfant. À tous les coups tu cèdes, tous les coups tu saignes. Si tu pouvais m'écouter seulement. Déception à l'appel, un vrai qui manque à l'appel. À tous les coups tu vas tomber. Toi tu crois que je vais tomber. Tu feras tout pour l'oublier. Je suis pas une enfant. Tu crois que je vais perdre mon temps. Tu le sais, tu vas lui donner ton cœur. Tu fais n'importe quoi et ça va finir en pleurs. Je le sais, en vrai tu me connais par cœur. Mais c'est pas ce que tu crois, il m'appelle pendant des heures. Alors, écoute, j'écoute. Alors, qu'est-ce que tu cherches encore? Tu penses qu'il a de mauvaises intentions. Je vais te laisser faire ton monologue, t'as toute mon attention. Tu fais comme si t'avais pas trébuché auparavant. Avant le calme, t'as oublié, t'as connu l'avalanche. À tous les coups, tu vas tomber. Toi, tu crois que je vais tomber. Tu feras tout pour l'oublier. Mais j'ai jamais l'oublié. Arrête, tu es pas une enfant. Tu n'es pas une enfant. Tu crois que je vais perdre mon temps. Tu le sais, tu vas lui donner ton cœur. Tu fais n'importe quoi et ça va finir en pleurs. Il m'appelle pas. Tu me connais par cœur, mais c'est pas ce que tu crois. Il m'appelle pendant des heures.